إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 37 dans la lecture du livre de l'imam Ibn Taymiyyah, Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra. Et on lit avec les explications des ulama, alhamdulillah, parmi les différents livres des shurouh qu'on a utilisés pour expliquer ce livre de Cheikh al-Islam. On a utilisé le sharh de Cheikh Saleh al-Fawzan, et on a également utilisé le sharh de le sharh de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, et on a utilisé également le sharh de Cheikh Saleh al-Sheikh, et également le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, et d'autres également parmi les ulama, alhamdulillah. Donc au dernier cours, on a lu la parole de l'imam Ibn al-Majishun, et on a, c'est-à-dire on a lu les commentaires de Cheikh Saleh al-Sheikh au sujet de cette parole-là, et on a mentionné aussi les questions qui ont rapport avec avec la voix de Jahm ibn Safwan et les erreurs de son manhaj égaré, de la négation des attributs d'Allah, et de tous ceux qui ont emprunté de Jahm ibn Safwan pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont tombés dans des formes de négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit complète ou partielle, comme on le sait que c'est la voie des Mu'tazila, des Asha'ira et des Maturidiyya, et également la voie de ceux qui suivent ces tendances là comme les Ahbash et les autres. Ce serait intéressant à un moment donné, inshallah, de mentionner comment cette position des gens de Bid'a et des gens de Kalam s'est propagée dans certaines régions du monde musulman, et pourquoi elle a pris tant d'ampleur dans certaines régions, pour des raisons historiques, et des raisons politiques. On va y revenir, inshallah, si on a l'occasion, bi'ithnillah. Donc on continue avec la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, après la parole de l'imam Ibn al-Majishun, le grand imam. Maintenant on va parler de l'imam Abu Hanifa, al-Nu'man ibn Thabit. Al-Nu'man ibn Thabit, un des grands ulama de l'islam. C'est un des quatre imams parmi les imams des Mazahib d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, les quatre imams à qui on attribue un madhab, parmi les quatre madhab qui sont très célèbres. Bien entendu, il y a plus que quatre madhab des ulama d'Ahl Sunnah, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup de madahib, des grands imams de l'islam, mais les plus célèbres, c'est ces quatre. Certains pensent qu'il y a seulement quatre, mais en réalité, il y a beaucoup plus que quatre. Mais les plus célèbres, les plus connus, c'est ces quatre-là. Et il y a des grands imams qui ont vécu avant et après et pendant la vie de ces imams et qui, eux aussi, avaient des madahib, hein, très célèbres, mais qui n'ont pas été préservés de la même manière que ces madahib-là. Et bien entendu, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire pour un musulman de suivre un de ces madahib. Toutefois, ce n'est pas interdit non plus de suivre un de ces madahib, du moment que la personne n'est pas fanatique et qu'elle accepte le dalil lorsque la preuve vient du Coran et de la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, en ce qui concerne les quatre madahib en question, certains mubtadi'a comme les Asha'ira et d'autres, les Maturidiya, comme je l'ai déjà dit, ils essaient de se cacher derrière ces madahib pour essayer de faire croire qu'ils font partie de Ahl Sunna wal Jama'a et pour essayer parfois même de faire croire qu'ils sont Ahl Sunna wal Jama'a. Pour se donner une certaine crédibilité, pour que les gens croient qu'ils sont sur la même voie que ces imams. Alors que la réalité, c'est que ces imams avaient dans la aqida des salafs. Ils n'avaient pas la aqida d'Abu al-Hassan al-Ash'ari ou d'Abu Mansour al-Maturidi. Ou la croyance des Jahmiyyah ou des Mu'tazila, qui est la négation des attributs d'Allah, ou de certaines des attributs d'Allah, ou de la majorité des attributs d'Allah. Non. Au contraire, ils étaient sur la voie des salafs et ils affirmaient tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception, et sans déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans faire de ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc ça, c'est la position des salafs et ceux qui par la suite sont venus et qui se prétendent suivre ces imams, comme ils se disent Hanafi ou Maliki ou Shafi'i ou Hanbali, mais qui dans la aqida sont sur la aqida des Jahmiyya ou des Mu'tazila, ou dans sur la aqida d'Abu al-Hassan al-Ash'ari ou la aqida d'Abu al-Mansour al-Maturidi, et ceux qui les ont suivis parmi les gens de Kalam, et sur la aqida d'Ibn Kullab, et bien ces gens-là, même s'ils se disent sunnis, même s'ils prétendent faire partie des gens de la sunna, ou qu'ils prétendent être des gens de la sunna, et qu'ils prétendent ils sont sur la voie de ces imams-là, la réalité c'est que ils contredisent la voix de ces imams dans la aqida, puisque ils ne sont pas sur, c'est-à-dire eux ils ne suivent pas ces imams là. Ces imams étaient sur la aqida des salafs et eux ils sont sur la aqida des khalafs. Donc ils contredisent ces imams. Donc ils prétendent être sur le madhab de ces imams, mais ils s'opposent à eux dans ce qui est le plus fondamental, c'est-à-dire la aqida. Allah musta'an. Donc en ce qui concerne l'imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit, juste avant de parler de qu'est-ce que l'imam Ibn Taymiyyah a dit à son sujet, on peut juste rapporter ou mentionner quelques détails très concis à son sujet. Naam, donc l'imam Abu Hanifa, son nom c'est An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Donc c'est un parmi les grands imams de l'islam, un grand savant, un grand faqih, parmi les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et il est né en l'an 80. Il est né en l'an 80 et il est mort en l'an 150. Il est né en l'an 80, il est mort en l'an 150. Et on peut aussi, ça c'est Hijri bien entendu, on peut aussi savoir la position de l'imam Abu Hanifa dans la Aqida en regardant aussi la position de ses élèves, ses grands élèves qui sont très connus. Hein, et on va en citer quelques-uns de toute façon. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne, il dit, وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Donc ça, ça c'est qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a cité ici. Il dit premièrement وفي كتاب الفقه الأكبر. الفقه الأكبر c'est un livre qui parle de la aqida et du tawhid et yani qui est attribué à l'imam Abu Hanifa et qui est rapporté avec la chaîne de transmission selon Abu Mutir al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi attribué à l'imam Abu Hanifa yani, et donc c'est un livre très célèbre chez les Ahnaf, chez les gens du Madhab Hanafi. Il mentionne souvent ce livre. Et donc, il dit, j'ai demandé, donc, à Abu Mutir al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi, il dit, j'ai demandé à Abu Hanifa au sujet du fiqh al-Akbar, c'est-à-dire le plus grand fiqh. Qu'est-ce que c'est? Alors, il a répondu, tu ne déclares personne comme étant mécréant pour un péché qu'il a commis. Hein? Donc il nie ici la voie des Khawarij qui font le takfir des musulmans qui commettent des péchés. Donc lui il dit tu ne dois pas déclarer quelqu'un comme étant kafir pour un péché qu'il a fait et tu ne dois pas non plus nier la foi de quiconque hein, pour un péché qu'il a commis. Après il dit et tu ordonnes le bien et tu interdis le mal et tu sais que et tu dois savoir que tout ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer et tout ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Donc ça c'est quelques éléments de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et juste ici en passant par rapport au nom du livre, le nom de Fiqh al-Akbar, beaucoup de gens quand ils entendent le terme fiqh, ils pensent automatiquement aux règles de la prière, aux règles de la purification, aux règles du jeûne, du pèlerinage, de la zakat, et aux règles du mariage, du divorce, du commerce, hein, des peines islamiques. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Mais le vrai fiqh, ou le fiqh le plus important, le plus grand, c'est en réalité le fiqh du tawhid, c'est-à-dire la compréhension de la aqida et du tawhid. C'est ça le plus grand fiqh. Et c'est ça le plus important dans le fiqh, hein, c'est de comprendre qui est Allah, de comprendre yani, qu'est-ce que c'est son adoration, et de comprendre yani, pourquoi on a été créé, et de comprendre yani, l'unicité d'Allah, qu'est-ce que ça implique, et qu'est-ce que ça signifie, et qu'est-ce qui s'y oppose. Donc tout ça c'est yani, le vrai fiqh, ou le plus grand fiqh. Et c'est pour ça que l'imam Abu Hanifa l'a appelé Al-Fiqh Al-Akbar. Et donc, Abu Mutir, il dit ici, j'ai demandé à Abu Hanifa au sujet du grand fiqh. Et il dit, donc il a mentionné ces éléments de la aqida. C'est pour dire que la aqida, c'est le plus important. Puis là, il y a d'autres éléments qui sont mentionnés par la suite, mais je me suis arrêté ici juste pour pouvoir yani, mentionner certains petits points. En passant. Donc il y a premièrement Abu Mutir. On a dit que son nom c'est Al-Hakam Ibn Abdullah Al-Balkhi. son nom c'est Al-Hakam ibn Abdullah ibn Muslima ibn Abdurrahman al-Balkhi. C'est un grand savant de fiqh. Il était même celui qui avait le poste de juge dans la ville de Balkh. Il est celui qui a rapporté le livre Al-Fiqh al-Akbar de l'imam Abu Hanifa. Parmi les choses qui ont été dites à son sujet, c'est que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak faisait beaucoup ses éloges. Il est mort en l'an 197. Il est mort en l'an 197. Et il avait, à l'âge de sa mort, 84 ans. Donc, il est mort en l'an 197 et il avait 84 ans. Donc, vous pouvez faire le calcul pour savoir à quel âge... Donc, ensuite, Donc, on va continuer maintenant qu'on a dit ça. On va continuer avec les paroles de l'imam Abu Hanifa qui sont mentionnées par Abu Mutir. Donc, on a dit que il a parlé donc en premier de qu'on ne fait pas le takfir de quiconque parmi les gens de la Qibla, parmi les musulmans, on ne fait pas le. C'est-à-dire, il a mentionné que on ne doit pas faire le takfir de quiconque qui a commis par rapport à un péché qu'il a commis, et on ne doit pas non plus nier la foi à un musulman pour un péché qu'il a commis. On doit ensuite ordonner le bien et interdire le mal, et on doit savoir que ce qui nous a atteint ne pouvait pas nous manquer, et ce qui nous a manqué ne pouvait pas nous atteindre. Ensuite, il dit وَلَا تَتَبَرَّأْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا تُوَلِّ أَحَدًا دُونَ أَحَدٍ وَأَنْ تَرُدَّ أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. Donc ici, il mentionne la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tu ne dois pas te désavouer d'aucun d'entre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne dois pas non plus aimer ou supporter ou aimer certains d'entre eux en dehors des autres, dans le sens que tu ne dois pas dire moi j'aime certains et les autres je les déteste. Non, tu dois les aimer tous et tu dois les accepter tous, et tu ne dois pas te désavouer d'aucun d'entre eux. Ensuite il dit, et tu dois remettre la question de Uthman et de Ali à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, il mentionne le fait que la question entre Uthman et Ali, tu dois la remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est expliqué dans le sens que لا تتكلم عليهما بل ترضى عنهما واعلم أن لهما من الفضائل والثواب ما يغطي ما صدر عنهم مما لا يظنه البعض سيئات مع أن ما صدر عنهم اجتهادات فهم من بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر واحد وذلك كفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه من إتمام الصلاة بميناء وأخذ الزكاة عن الخيل على الخيل وغير ذلك من الأمور التي اجتهد فيها وكمثل ما فعله علي رضي الله عنه في قتاله لمعاوية رضي الله عنه كل منهم مجتهد لكن دلت النصوص على أن عليا ومن معه مصيبون لهم ولهم أجران وأن معاوية وأهل الشام مخطئون فيهم مخطئون فهم وإن كان قد فاتهم أجر الصواب لكن لهم أجر الاجتهاد. ودليل أن الحق كان مع علي ومن معه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتله الفئة الباغية. فقتله جيش معاوية. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فلما خرج الخوارج قاتلهم علي وقتلهم. وعرفنا أنه كان أقرب إلى الحق. نعم. Donc quand il mentionne ça, c'est dans le sens qu'on ne doit pas parler d'aucun d'entre les deux, de Muawiya et de Ali et de Othman et de Ali. Bien entendu, comme les ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'a ont mentionné que leur mérite dans la religion, c'est le même que dans leur khilafa, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'ordre dans lequel ils ont pris le khilafa dans le mérite aussi. Donc on dit que le meilleur c'est Abu Bakr. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette umma c'est Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Ensuite Uthman, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et ensuite Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et ensuite Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Sauf qu'on doit tous les aimer et être satisfait de chacun d'entre eux, et on doit savoir qu'ils ont tous des mérites, hein, et des qualités et des récompenses, hein, qui font que ce qui a pu se produire de leur part comme erreur ou comme faute, ça c'est couvert par ce qu'ils avaient comme récompense et comme bonne action. Et que ce que certains s'imaginent être des péchés venant de leur part, yani, c'est parfois des différentes formes d'ijtihad qu'ils ont fait en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'utiliser leur jugement et la connaissance qu'ils avaient du Coran et de la Sunna et de leur compréhension des textes pour arriver à une position dans les différentes circonstances auxquels ils avaient à faire face, et ils ont fait donc des efforts de jugement dans ces questions-là. Celui d'entre eux qui a réussi à obtenir une position correcte, il a deux récompenses, tandis que celui d'entre eux qui s'est trompé, il a la récompense de l'effort qu'il a fait. Donc il a une récompense au lieu de deux. Et il donne l'exemple à ce sujet-là comme yani, l'exemple de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, lorsqu'il a complété la prière à Mina, c'est-à-dire au lieu de faire la prière du voyageur à Mina et de faire deux rak'at seulement, il a fait quatre rak'at, il a complété, hein, mais il a fait ça pour une raison, il avait une raison pour laquelle il l'a fait, et ça c'était un ijtihad de sa part. Hein, et c'était le khalifa, donc yani, il peut prendre ce genre de décision pour des raisons yani, qui lui apparaissent comme étant correctes, hein, et également d'avoir pris la zakat pour les chevaux, hein. Donc ça c'est aussi un ijtihad de sa part, et ainsi que plusieurs autres choses dans lesquelles il a fait des efforts de jugement. De même que l'exemple de ce que Ali radiallahu anhu a fait en combattant Muawiya radiallahu anhu. Donc tout ça c'était arrivé de leur part par ijtihad, c'est-à-dire parce qu'ils ont fait un effort de jugement pour essayer d'atteindre la vérité et de défendre ce qu'ils considéraient être la vérité. Toutefois, les preuves des textes du Coran et de la Sunna nous indiquent que Ali radiallahu anhu et ceux qui étaient avec lui, c'est eux qui étaient plus proches de la vérité. Et donc ils ont deux récompenses. Tandis que Muawiya radiallahu anhu et les gens de la Syrie, de la région de la Palestine, toute cette région-là, les gens du Cham, étaient dans l'erreur. Et donc même s'ils n'ont pas eu la récompense d'avoir la bonne opinion, la bonne position, mais ils ont quand même la récompense pour l'effort qu'ils ont fait pour essayer d'obtenir la vérité ou de chercher la vérité. Et donc, ils ont une récompense au lieu de deux. Et la preuve que la vérité dans cette situation-là était avec la position de Ali, radiallahu anhu, et ceux qui étaient avec lui, c'est tiré de certains hadiths, comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a mentionné à propos de Ammar en disant qu'il allait être tué par le groupe transgresseur des deux. Le groupe transgresseur des deux. C'est-à-dire que par la suite, c'est l'armée de Muawiyah radiallahu anhu qui l'a tué. Donc c'était une indication que dans ce conflit, c'est Ali radiallahu anhu qui avait raison et qui était plus proche de la vérité. Et parmi les preuves également, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que il allait avoir un groupe qui allait sortir contre les musulmans à un moment où les musulmans allaient être divisés et que le groupe qui était plus proche de la vérité parmi les deux groupes qui se sont divisés, eh bien c'est ce groupe-là qui allait les combattre. C'est-à-dire c'est le groupe plus proche de la vérité des deux groupes qui allait combattre ce groupe qui est sorti contre les musulmans à ce moment-là, au moment de cette division. Et ça, c'est justement pour montrer que à l'époque justement du conflit entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah radiallahu anhu, c'est à ce moment-là que les Khawarij sont apparus, et c'est Ali radiallahu anhu ainsi que ceux qui étaient avec lui qui les a combattus. Donc ça, c'est une autre preuve qui montre que il était plus proche de la vérité par rapport à Muawiyah radiallahu anhu. Mais on doit être satisfait des deux, hein? Et on doit les aimer tous les deux également. Donc ça, c'est un exemple à ce sujet-là. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: وقال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. Donc il dit le fiqh, le grand fiqh dans la religion est meilleur que le fiqh dans la science. Yani, c'est-à-dire yani, le fiqh dans la religion dans le sens du fiqh dans la croyance, dans le tawhid, dans l'adoration d'Allah, dans la connaissance des noms et des attributs d'Allah, dans la connaissance de comment on doit adorer Allah et comment on doit établir son unicité. Ça, c'est mieux que la connaissance de beaucoup d'autres sciences dans les éléments du fiqh, comme par exemple qu'est-ce qu'on appelle les furu'. C'est beaucoup plus important et ça a une priorité dans l'islam. Et malheureusement, c'est ça que souvent les gens appellent le fiqh. Ils pensent que le fiqh, c'est uniquement la connaissance des éléments, des furu', des branches de la science qui ont rapport avec l'application de certaines règles islamiques. Et ils ne réalisent pas qu'en réalité, le fiqh, en priorité dans le fiqh, il y a la aqidah et le tawhid et les croyances et l'adoration. Ça c'est la base de l'islam, tandis que le reste, c'est qu'est-ce qui vient après. Il dit ensuite, donc il dit al-fiqh al-akbar fi al-din khayrun min al-fiqh fi al-ilm li'an ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. انتهى كلامه. Donc Abu Hanifa a dit, il est mieux pour un homme d'avoir la compréhension du comment de comment il doit adorer son Seigneur, hein, que de rassembler beaucoup de sciences, hein, une science immense. Donc c'est mieux de connaître comment adorer ton Seigneur que d'avoir beaucoup, beaucoup de sciences dans d'autres choses. Parce que ça, c'est la base de la religion. Naam. Ensuite, il dit « وَقَالَ أَبُو مُطِيعٍ قُلْتُ أَخْبَرَنِي عَنْ أَفْضَلِ أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ الْفِقْهِ قَالَ تَعَلُّمُ الرَّجُلِ الْإِيمَانَ وَالشَّرَائِعَ وَالسُّنَنَ وَالْحُدُودَ وَاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ وَذَكَرَ مَسَائِلَ الْإِيمَانِ ثُمَّ ذَكَرَ مَسَائِلَ الْقَدَرِ وَالرَّدَّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ بِكَلَامٍ حَسَنٍ ليس هذا موضعه ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك قال لا قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة قال هو كذلك لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. نعم. Donc ici on voit que l'imam Abu Muti' il dit j'ai dit informe-moi, c'est-à-dire il a posé la question à l'imam Abu Hanifa, il lui a dit informe-moi au sujet de ce qui est le meilleur dans le fiqh. Et il a dit, c'est que l'homme apprenne la foi. Qu'il a commencé par l'iman, hein, la base. Puis, ensuite, il a dit, wa shara'i' wa sunan, c'est-à-dire les rites et les sunan, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sa façon d'adorer Allah. Wa al-hudud, et les peines islamiques. والاختلاف الأئمة, les divergences entre les savants, entre les imams, ça aussi c'est très important. وذكر مسائل الإيمان, et il a commencé à énumérer différentes questions qui ont rapport avec la foi. Puis il a énuméré les questions qui ont rapport avec la prédestination, القدر. Puis il a réfuté la secte des قدريه avec une parole très bonne, mais que ce n'est pas l'endroit de le mentionner. Ce n'est pas le lieu de le mentionner présentement. Donc il a mentionné la réfutation des Qadariyas. Et qui sont les Qadariyas? Les Qadariyas, ce sont les gens qui nient la prédestination. Ils nient la prédestination. C'est-à-dire qu'ils disent que l'être humain, il est libre dans ce qu'il fait, dans sa volonté et dans sa capacité. Hein? Et que ce qu'il fait, c'est lui-même qui le crée. Et qu'il n'y a rien qui est écrit préalablement et que ce qu'il fait, ce n'est pas relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est indépendant de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples d'égarements de cette secte des Qadariyas. Parmi ceux qui sont calculés ou qui font partie des Qadariyas, il y a bien entendu les Mu'tazila qui nient le Qadar, et d'autres également parmi les gens d'égarements. Donc ensuite il dit puis Abu Mutir il a dit Qultu, j'ai dit alors que dis-tu de celui qui veut ordonner le bien et interdire le mal, et que un groupe de gens le suivent, et qui décide de sortir contre le dirigeant, contre la jama'a, hein, contre le corps des musulmans? Est-ce que tu considères que ça c'est correct et qu'il a le droit de faire ça? Alors l'imam Abu Hanifa a dit non. Alors Abu Muti a dit et pourquoi? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ça? Pourquoi c'est interdit? Il a dit pourquoi c'est interdit? Puisque Allah a ordonné, ainsi que son messager a ordonné, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. et que c'est une obligation, hein, et quelque chose d'obligatoire. Donc, pourquoi tu dis qu'on ne doit pas faire ça? C'est-à-dire que tu veux ordonner le bien, interdire le mal, tu réunis un petit groupe de personnes avec toi, puis tu décides de sortir contre contre les musulmans et contre leurs dirigeants pour l'enlever du pouvoir et essayer d'ordonner le bien et d'interdire le mal de cette façon. Donc Abu Hanifa a dit que c'est pas permis. Alors pourquoi c'est pas permis? Puisque d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est quelque chose qui est ordonné par Allah et son messager. Alors il a répondu, voici sa réponse, et ça c'est la réponse de tous les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, que ce soit à notre époque ou avant, hein, comme les ulama actuels qui sont sur la voie des salafs et la aqidah des salafs, et les savants du passé également, ils ont tous répondu cette réponse. Ils ont dit, Abu Hanifa a dit, c'est ainsi, c'est-à-dire oui, c'est vrai que dans l'islam, c'est ordonné par Allah et son messager de commander le bien et d'interdire le mal. C'est vrai que ça fait partie des obligations. Sauf que ceux-là, ce qu'ils corrompent est plus grand que ce qu'ils veulent réformer et corriger. Hein? Ce qu'ils corrompent est plus grand que ce qu'ils veulent corriger. Donc en réalité, ils font plus de désordre que de bien. Et ils pensent qu'ils sont en train d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et c'est l'exemple de ce qu'on voit dans plusieurs pays musulmans. Par exemple, dans certains pays musulmans, par exemple, on voit des gens qui boivent de l'alcool, des femmes qui ne portent pas le voile, et il y a des ignorants et des gens égarés parmi les différents groupes. De Hizbiya et les jama'at, soit les jama'at de takfir ou de jihad, ou qui prétendent faire le jihad, ils sortent contre les dirigeants à cause de ça. Ils disent, ah, regardez, dans le pays il y a des banques avec le riba, il y a de l'alcool, il y a des femmes qui portent pas le voile, il y a des péchés, il y a des bars, il y a des discothèques. Hein, il y a des endroits où il y a des péchés qui sont pratiqués ou faits ouvertement. Donc, à cause de ça, le dirigeant, ça veut dire que le dirigeant, il voit ça et il le tolère. Donc, s'il l'accepte, ça veut dire qu'il le rend halal. Et donc, ça veut dire qu'il est kafir. Et donc, ça veut dire qu'il faut sortir contre lui et qu'il faut établir la charia. Et donc, ils se mettent en groupe et là, ils décident de combattre les musulmans et le gouvernement et le dirigeant à cause de ça, et ils font couler le sang des innocents à cause de ça. Donc c'est de ça que l'imam Abu Hanifa parle ici, hein, et il dit non, les gens ne doivent pas sortir, hein. Et donc certains disent, comme aujourd'hui, certains disent non, mais ça fait, est-ce que ça ne fait pas partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal? Et l'imam Abu Hanifa dit oui, c'est-à-dire que dans l'islam, il faut ordonner le bien, il faut interdire le mal, mais dans les limites des principes de la charia. C'est-à-dire que tu as le droit d'ordonner le bien et d'interdire le mal quand le résultat de ton ordonnance du bien et de l'interdiction du mal va faire en sorte que le mal diminue ou que le mal soit dissipé complètement. Mais si tu vas ordonner le bien et interdire le mal, et que le résultat, ça va être un mal égal ou plus grand, alors dans ce cas-là, ça devient quelque chose d'interdit. Dans ce cas-là, ça devient quelque chose d'interdit de le faire. Hein? Et c'est ça ce que les Khawarij n'ont pas compris. Malheureusement, Allah Musta'an. Donc il dit, l'imam Abu Hanifa, mais eux, ce qu'ils font, ça fait plus de désordre que de bien. Hein? Parce qu'ils sortent contre les dirigeants des musulmans et contre les responsables des musulmans pour essayer de condamner ou d'arrêter certaines formes de péchés apparents, comme l'alcool, les banques, les femmes qui ne se voilent pas ou des choses comme ça. Puis, le résultat, c'est qu'ils commencent à tuer, à faire couler le sang. Qu'est-ce qui est plus grave? Hein? Le meurtre et de tuer les innocents, hommes, femmes, enfants et vieillards, de détruire le bétail et les maisons et la nature et tout ce qui est autour, et de détruire et d'éliminer complètement l'ordre de la société et la sécurité également. Et tout ça parce que tu dis parce qu'il y a des péchés, et toi tu ramènes tous ces péchés là qui sont des péchés plus grands encore. Donc où est-ce qu'il est le résultat, hein? Où est-ce qu'il est le bien dans ce que tu as fait? Donc toi tu voulais éliminer un péché ou éliminer certains péchés, et tu as ramené à la place des péchés 100 fois 1000 fois plus grands encore, et en plus tu as fait couler le sang des musulmans, tu as divisé les musulmans et le pays, et tu as fait en sorte que par la suite les gens se divisent entre eux et commencent à se tuer et à se combattre les uns les autres, hein? Donc où est-ce qu'il est le résultat? Regardez qu'est-ce qui se passe actuellement en Syrie, hein? Regardez combien de morts, regardez combien d'innocents ont été tués, regardez la destruction totale du pays, regardez qu'est-ce qui s'est passé en Irak, regardez qu'est-ce qui s'est passé en Libye, hein? Les gens vivaient certes avec des dirigeants injustes et il y avait beaucoup de mal, et même parfois certains d'entre ces dirigeants-là, certains savants ont déclaré mécréants, hein? Mais certains d'entre ces dirigeants-là avaient été déclarés mécréants, comme Kadhafi par exemple, mais malgré tout le mal qui était présent du fait que ces dirigeants-là étaient au pouvoir, eh bien, il était moins grand que qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Hein, qu'est-ce qu'on constate actuellement, par exemple, tout le chaos et le désordre et les meurtres et la mort d'innocents et le sang qui coule et l'insécurité et tout le reste. Hein. Donc, tout ça, c'est les conséquences du fait d'avoir contredit la sunna et la voix des salafs à ce sujet-là. Naam. Donc toi tu penses que tu vas ramener du bien, que tu vas éliminer certains de ces péchés-là, et yani tu ramènes un plus grand mal. Hein. Donc c'est ça le fiqh de la religion, le grand fiqh. C'est-à-dire de comprendre la réalité de la aqida et du manhaj de l'islam et la voie des salafs. De comprendre cette religion de cette façon, qui est la compréhension correcte de l'islam. Et non pas la compréhension des groupes contemporains et des groupes de bid'a qui suivent la tendance des khawarij à notre époque. Et justement, l'imam Abu Hanifa, il dit à la suite de ça, Abu Mutir, il lui dit, « قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. Naam. Donc il dit ici, et ensuite il a mentionné la parole au sujet du fait de combattre les khawarij et de combattre les transgresseurs. Hein, et il a donc mentionné cet élément-là, après avoir mentionné les gens qui veulent se révolter contre le dirigeant. Et ensuite il dit, jusqu'à ce qu'il dise plus loin, et Abu Hanifa Abu Hanifa a dit au sujet de celui qui dit je ne sais pas est-ce que mon Seigneur est dans les cieux ou sur la terre, il a mécru, il est devenu kafir, il est devenu mécréant, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 5 dans surat Taha, que le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des sept cieux. Donc ça c'est un exemple de la parole de Abu Hanifa au sujet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et du fait que on doit affirmer hein, qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Hein, et il déclare même mécréant celui qui dit qu'il ne sait pas est-ce que son Seigneur est dans les cieux ou sur la terre. Donc celui qui dit je ne sais pas si mon Seigneur est dans les cieux ou sur la terre, alors qu'il connaît les versets d'Allah et qu'il sait qu'Allah dit qu'il est au-dessus de son trône, celui-là il est kafir. Selon les imams de Ahl Sunnah et selon Abu Hanifa. Hein, parce que ça c'est la aqidah des salafs. Et c'est la aqidah de Abu Hanifa. Ça prouve que Abu Hanifa n'était pas un maturidi comme le prétendent aujourd'hui les ahnaf, ceux qui se prétendent hanafi, mais tu les vois qui suivent la aqida des maturidiya et qui nient les attributs d'Allah et qui prétendent que Allah n'est pas au-dessus de son trône. Donc Abu Hanifa a déclaré celui qui dit ça de kofr. Hein, il l'a déclaré kafir, comme les Jahmiyyah, parce que ça c'est la aqidah des Jahmiyyah. Après il dit qultu fa in qala innahu 'ala al-'arsh istawa walakinahu yaqulu la adri al-'arsh fi as-sama' am fi al-ard qala huwa kafir li'annahu ankara an yakuna fi as-sama' لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا أدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. Donc ça c'est la position يعني ici de l'imam Abu Hanifa à ce sujet là Subhanallah. Donc ça c'est des positions يعني fortes de la part de ce grand imam parmi les imams d'Ahl Sunnah qui défendent l'aqidah des salafs et qui réfutent yani les jahmiyyah et ceux qui les suivent. Donc il dit ici, j'ai dit, et s'il dit, il s'est élevé au-dessus du trône, il s'est élevé sur le trône. Mais par contre, par la suite, il dit, je ne sais pas par contre, est-ce que le trône est dans les cieux ou sur la terre? Il dit oui. Hein, comme s'il affirme, oui, Allah est au-dessus du trône. Mais je ne sais pas si le trône est dans les cieux ou sur la terre. Alors Abu Hanifa a dit, il est kafir. S'il dit ça, il est kafir aussi. Pourquoi? Parce qu'il a nié qu'il soit dans les cieux. C'est-à-dire, il a nié que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création. لأنه تعالى في أعلى عليين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est dans, yani, au-dessus de toutes les choses, au-dessus de toute sa création, yani les hauteurs, il est au-dessus de tout. Et également, quand on l'invoque d'au-dessus, d'en haut, et non pas d'en bas. Donc on ne dit pas, quand on invoque Allah, on n'invoque pas en mettant nos mains vers le bas. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala en levant nos mains vers le ciel. Et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala en hauteur. Donc ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et ça c'est quelque chose qu'on connaît même par la fitra. Que Allah est au-dessus de tout. Et même que certains ulama ont mentionné que le premier qui a dit le contraire de ça, c'était Jahm ibn Safwan. Et ceux qui l'ont suivi, puisque c'est lui qui disait, je crois, Subhana Rabbi al-Asfal, au lieu de dire Subhana Rabbi al-A'la, il disait Subhana Rabbi al-Asfal ou quelque chose comme ça, en voulant dire gloire à mon Seigneur le très bas ou le plus bas. Yani Allah al-Musta'an. Ça c'est des paroles graves, c'est des paroles de mécréance. Arrivé à ce point, le Cheikh Salih al-Sheikh, il donne quelques explications. Et on pourra les lire, mais on va continuer à, on va plutôt terminer la parole de Abu Hanifa avant, puis on arrivera à l'explication du Cheikh Salih al-Sheikh, puis la parole aussi de Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, pardon, Abdelaziz bin Baz aussi, inshallah, par la suite. Ou plutôt, on peut lire tout de suite la parole de Cheikh bin Baz. Cheikh bin Baz, il dit ici, rahimahullah, قال سماحة الشيخ وهذا واضح في مذهبه رحمه الله وأنه على طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب لأن إنكاره وجود العرش في السماء إنكار لوجود الله في السماء والله يقول أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء فمن أنكر أن الله في السماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فمن أنكر أن الله في السماء وأن الله فوق العرش فقد كفر كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. Donc Cheikh bin Baz رحمه الله il explique après avoir lu cette parole de l'imam Abu Hanifa, il dit ça c'est clair dans son madhhab rahimahullah, dans sa position, que il est sur la voie, hein, parce qu'il est sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a dans cette question. C'est-à-dire que celui qui nie que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nie le trône qu'il est dans les cieux, c'est-à-dire il nie que le trône d'Allah est dans les cieux, eh bien celui qui nie ça, il nie en réalité que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et dans les cieux, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 16 dans sourate Al-Mulk, a'amintum man fis sama, hein, c'est-à-dire est-ce que vous vous sentez en sécurité vis-à-vis de celui qui est dans les cieux. Et dans le verset 17 de sourate Al-Mulk, a'amintum man fis sama, est-ce que vous vous sentez en sécurité que celui qui est dans les cieux, donc qui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de sa création. Donc celui qui nie que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, celui qui nie ça, il est mécréant, il n'est pas musulman. Comme l'imam Abu Hanifa l'a dit, rahimahullah, et ça c'est le consensus des gens de la sunna et de la jama'a. Il dit ensuite, فَالْوَاجِبُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ فالواجب على أهل الإسلام الإيمان بأن الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى فلا تخفى عليه خافية. Donc il dit l'obligation pour les musulmans, les gens qui font partie de l'islam, c'est pour eux l'obligation, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, hein, de sa création, au-dessus du trône dans les cieux, et que sa science est partout. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Et que rien n'est secret pour lui. Rien, il n'y a aucun secret qui lui est caché. وكذلك قوله ان الفقه الاكبر هو علوم العقائد لان الفروع تابعه للعقيده فعلم البيع والشراء والاجاره والنكاح والطلاق فهذه الامور الفروع تابعة للعقيدة والإيمان فالفقه الأكبر هو المعلوم المتعلقة بتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان بما أخبر به عن نفسه من صفاته وأسمائه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يعتقدها كما قال السلف الصالح وأن يسير عليها مؤمنا بالله مؤمنا بأن الله في السماء وفوق العرش وعلمه في كل مكان وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا ولا كفو لا شبيه له ولا كفوا ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وأن الواجب إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Donc le cheikh il explique, il dit que, et donc également la parole de l'imam Abu Hanifa dans, hein, lorsqu'il dit que le plus grand fiqh c'est la science des croyances, la connaissance des croyances, et que les furu', hein, les règles de la sharia qui yani viennent par la suite, ça c'est qu'est-ce qui suit la aqida, ça vient après, comme par exemple la connaissance des règles du commerce et de la vente et de l'achat, la connaissance des règles de la location dans l'islam, les règles du mariage et du divorce, tout ça, ça fait partie du fiqh, ça fait partie de l'islam, mais ça c'est quelque chose qui vient à la suite de la aqida et de la foi, parce que la base c'est de connaître la aqida et de connaître la foi en premier. Donc c'est la foi et la aqida qui est le grand fiqh, c'est ça le vrai fiqh, c'est le fiqh le plus important. Malgré tout, malheureusement, certains musulmans ils donnent au fiqh qui a rapport avec les règles de la sharia yani plus d'importance que la connaissance de la aqida de l'islam, et ça montre l'égarement et l'ignorance, hein, de ces gens-là. Et c'est triste parce que tu vois que la plupart des groupes de bid'a, des groupes de hizbiya, comme les Ikhwan et Jamaat Tablir et d'autres, ils donnent plus d'importance à la connaissance du fiqh, des règles de la sharia et des furu', hein, que à la connaissance de la aqida. Et quand ils disent par exemple qu'ils veulent appeler à l'islam, eh bien ils appellent à tout sauf à la aqida. Hein? Et quand il y a des divergences ou des déviations présentes dans certaines sectes ou dans certains groupes d'égarements, eh bien eux, ils passent par-dessus comme si c'était pas grave. Et ils se concentrent sur ce qui est secondaire, hein, par rapport aux éléments du tawhid, malheureusement. Donc Cheikh Al-Fawzan, il continue, il explique que le grand fiqh, hein, c'est qu'est-ce qui est connu et qui est rattaché au tawhid d'Allah et à la foi en Allah et à la foi en ce qu'il nous a donné comme information au sujet de sa personne, hein, comme la foi en ses noms et en ses attributs, et la foi en ses anges, en ses livres, en ses messagers, la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination, hein, de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et l'obligation pour chaque musulman, c'est de connaître ces éléments et ces affaires qui ont rapport avec la religion, la base de la religion, et d'y croire avec conviction, hein, comme c'était le cas des salaf al-salih, et qu'on doit être sur cette voie-là, la même voie que les salaf, que nos pieux prédécesseurs sur ces questions-là, en croyant que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, et que sa science est partout. Que sa science, c'est-à-dire la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, est partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala il ne pourra pas savoir ou connaître qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qui se passe. Il a la connaissance de toutes choses et sa science enveloppe toutes choses et partout, elle est partout. Et également de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède les noms les plus beaux et les attributs les plus élevés, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de semblable, ni d'égo, ni d'équivalent, et qu'on ne peut pas essayer de comparer ou de faire des comparaisons ou des analogies entre le Créateur et sa créature, hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout et il est le parfait, et que l'obligation pour nous, c'est d'affirmer les noms d'Allah et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui lui convient, sans faire de déformation des sens des attributs d'Allah, ni de négation, et sans faire de ressemblance avec Allah et sa création, ni de chercher à savoir comment sont les attributs d'Allah et d'essayer de les imaginer, hein, ou de les concevoir. On n'a pas le droit d'essayer de connaître le comment ou d'imaginer comment sont les attributs d'Allah, parce qu'il ne nous l'a pas dit. De même que il dit ensuite, ولهذا أنكر أبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان يقول إنهم يفسدون أكثر مما يصلحون بل الواجب عليهم إنكار المنكر والدعوة إلى الخير ولكن بغير السلاح فإذا كان مقرونا بالسلاح لقتل المسلمين وقتل ولاة الأمور بزعمهم أنهم ينكرون المنكر هذا عمل الخوارج وعمل المعتزلة الذين أفسدوا فيه أكثر مما يصلحون وهذا فعلوا وفعلوا خلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ولما قال سيلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون قالوا أفلا نقاتلهم قال لا أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الحق الذي لكم وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا وفي اللفظ الآخر ما أقاموا فيكم الصلاة. Donc on va traduire cette partie. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il dit, et c'est pour cette raison ici ensuite que Abu Hanifa, il mentionne ce qu'il a dit à propos de ceux qui se révoltent et qui se rebellent contre le dirigeant musulman. Et il dit que ce qu'ils font, c'est du désordre, et qu'ils font plus de désordre que de bien. Il dit, qu'est-ce qui est obligatoire pour eux? C'est d'ordonner le bien et d'appeler les gens au bien, mais sans utiliser les armes, sans les armes. Mais lorsqu'ils prennent, ils veulent appeler au bien et faire la da'wah au bien, appeler au bien et condamner le mal, mais qu'ils veulent faire ça en utilisant les armes pour tuer les musulmans et tuer les dirigeants, eh bien, ils s'imaginent qu'en faisant ça, ils condamnent le mal et ils dénoncent le mal, ou qu'ils interdisent le mal. Il dit ça, c'est l'action des Khawarij et c'est l'action des Mu'tazila. Donc c'est l'action des gens de bid'a, des gens d'égarement. Ça c'est leur méthodologie. C'est pas la méthodologie des gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc le Cheikh il dit, ça c'est la voie et l'action des Khawarij et l'action des Mu'tazila, ceux qui ont corrompu plus que le bien qu'ils ont ramené. Ils ont fait plus de mal que de bien. Et ça, ce qu'ils ont fait, c'est en contradiction avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Ça, c'est en contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Donc ici, on voit la condamnation de ce que font les groupes qui suivent la tendance des Khawarij, que ce soit les frères musulmans, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Boko Haram, que ce soit ceux qui se sont appelés eux-mêmes l'État islamique de l'Irak et de la Syrie, qu'on appelle en arabe Daesh, ou en français dans les médias ils sont appelés l'État islamique, ou d'autres groupes qui sont en Syrie comme le parti de Nusra ou d'autres groupes qui sont en train de combattre dans ces pays-là. Tous ces gens-là suivent les tendances des Khawarij, qui n'ont pas écouté les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du dirigeant. Puisque le cheikh il dit justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui voit de son dirigeant quelque chose de la désobéissance d'Allah, alors qu'il déteste en son cœur ce que ce dirigeant fait de la désobéissance d'Allah, mais qu'il ne retire jamais sa main de lui obéir, de son obéissance. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et par l'imam Muslim également. Et dans une autre narration, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura au pouvoir sur vous des dirigeants. Donc vous allez approuver certaines choses et condamner d'autres. Alors, certains ont posé la question à ce moment-là au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si ces gens-là ont posé la question justement pour comprendre et pour en même temps prévenir. Hein? Est-ce qu'on doit les combattre? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est ça que certaines personnes veulent faire. Donc, même à l'époque des sahabas, les sahabas ont posé la question au messager d'Allah. Est-ce qu'on devra les combattre à ce moment-là, au messager d'Allah? Et le messager d'Allah a répondu en disant « là », c'est-à-dire « non ». Hein? Non, tant qu'ils ont, dans une narration, il dit « non, là, addu ilayhim haqqahum ». Donc ces dirigeants-là qui sont injustes ou qui font de l'injustice ou qui font des péchés ou qui font des choses qui ne sont pas correctes, il dit donnez-leur leurs droits. Malgré qu'ils sont injustes, il nous ordonne à nous de leur donner leurs droits. Et à qui nous on demande notre droit? À Allah. Il dit donnez-leur leurs droits, hein, rendez-leur leurs droits et demandez votre droit à vous à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme certains aujourd'hui qui disent non, nous on demande nos droits, on veut la justice, hein, et donc ils se révoltent, ils font des démonstrations, des manifestations, des révoltes dans la rue, hein, ils sortent dans les rues pour demander au gouvernement, on veut des emplois, on veut du travail, on veut de l'argent, il y a du chômage, on veut de ci, on veut du pain, on veut du sucre. Hein? On veut ci, on veut ça. Ça, c'est pas la voie des salafs et c'est pas les enseignements qui sont enseignés par le Coran ni par la Sunna. Ça, c'est les enseignements des koufars, des juifs et des chrétiens, des communistes, des socialistes, des laïcs, des anarchistes et de tous ceux qui leur ressemblent. Et également, c'est la voie des gens de bid'a parmi les musulmans, ceux qui suivent la compréhension des khawarij et des Mu'tazila et des gens qui sont sur ces voies d'égarement là. Donc ça fait pas du tout partie de la compréhension de l'islam telle qu'elle a été comprise par les sahaba et ceux qui les ont suivis. Et il y a d'autres narrations comme par exemple la narration dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa an taraw kufran bawahan. Ça c'est une narration qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit « Acceptez si vous voyez une forme de mécréance claire, hein, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah. Hein, » Et donc ça, c'est dans le cas où le dirigeant qui est au pouvoir a commis un kufr, hein, il a fait quelque chose qui est un kufr clair, hein, mais bien entendu, il y a des conditions, même s'il a commis le kufr. Premièrement, il faut établir qu'il a fait le kufr, et ça, c'est seulement les ulama de l'islam qui peuvent le connaître comme il faut et savoir comment le déclarer et le distinguer. Et deuxièmement, il faut que ça respecte les conditions quand même de l'islam, dans le sens que si ce dirigeant-là a fait un kufr, il ne faut pas que les conséquences de la révolte contre lui ramènent du mal plus grand que le mal que tu veux changer. Malheureusement, c'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Ils ont dit, ah, par exemple, le dirigeant en Syrie, il fait partie des Nusayriyas, et les Nusayriyas sont des koufars, murtaddoun, c'est des ennemis de l'islam, donc on va se révolter contre lui et on va le combattre, hein, pour l'enlever du pouvoir. Et là, ils ont donc pris les armes, parce qu'ils ont vu que dans d'autres pays, ils ont fait une révolte contre leurs dirigeants et ils ont réussi à chasser le dirigeant injuste après avoir fait beaucoup de désordres, hein, et avoir tué, avoir fait couler le sang et avoir fait beaucoup de destruction dans leur pays. Ils ont fait fuir leurs dirigeants. Donc eux, ils se sont dit, bon, dans ce cas-là, nous aussi, on va faire la même chose. Et donc, ils ont pris les armes et ils ont commencé à se révolter contre leurs dirigeants. Puis on a vu les résultats par la suite de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui continue à se passer. Et maintenant, on voit que plusieurs groupes qui sont de différentes tendances et qui prétendent toutes vouloir établir l'islam, vouloir ramener l'islam ou vouloir ramener la charia, et ils sont tous divisés et ils sont tous en train de se combattre les uns les autres. Et tu vois les gens qui essaient de défendre chacun leur position avec toutes sortes de yani baratin, Allah le musta'an. Mais tout ça, c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna et la position de Ahl Sunna. Un autre exemple de narration qui a été rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, que le Cheikh Ibn Baz il mentionne ici, il dit ma aqamu fikum as-salat, c'est-à-dire tant qu'ils auront établi parmi vous la salat. Tant que la salat est établie parmi vous, eh bien vous ne devez pas faire de khuruj ou sortir contre ces dirigeants-là. Cheikh Ibn Baz il dit ensuite ولكن هؤلاء أيضا الذين يقاتلون لا يجوز الخروج عليهم إلا على بصيرة وعلى علم وعلى قدرة أنهم يزيلون المنكر أما هؤلاء الجهلة الذين يريدون الخروج بزعمهم فيقتلون الناس ويؤذون الناس ويقتلون المسلمين على غير بصيرة هؤلاء ليس لهم الخروج إنما الخروج على من قدر على ذلك ورأى كفرا بواحا على قوم ما أقاموا الصلاة أو أظهروا كفرا بواحا غير ذلك ولكن بشرط أن يكون ذلك القيام يحصل به المقصود بشرط ولكن بشرط أن يكون ذلك القيام يحصل به المقصود ولا يحصل به ما هو أنكر منه. Donc ici le cheikh il dit, mais ces gens-là qui sont combattus, il n'est pas permis de sortir contre eux et de se rebeller contre eux, excepté lorsqu'on a la science et la compréhension et qu'on a la capacité de les enlever et d'enlever le mal. Tandis que ces ignorants aujourd'hui qui veulent faire des révoltes et des rébellions, selon ce qu'ils pensent, comme ils s'imaginent, alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les gens. Et ils font du tort aux gens. Et ils tuent les musulmans sans aucune compréhension, sans aucune connaissance. Et ceux-là, donc, ils n'ont pas le droit de se rebeller ou de sortir contre le dirigeant. Le fait de sortir contre le dirigeant lorsqu'il a un kufr clair, c'est seulement permis pour celui qui a la capacité et la force nécessaire, contre ceux qui font un kufr clair ou qui n'établissent pas la salat, ou qui montrent un kufr apparent et clair. Et il dit le cheikh, mais malgré tout, la condition pour ça, c'est que celui qui le fait, qui va sortir contre ces gens-là, quand il le fait, il est certain qu'il va arriver à son objectif et qu'il ne va pas ramener un mal plus grand que celui qu'il veut enlever. Parce que c'est une fitna par la suite. Si quelqu'un sort, mais qu'il n'a pas la force suffisante ou la capacité, et qu'il sort contre le dirigeant, après qu'est-ce qui se passe par la suite? Il se passe qu'il y a une guerre civile qui se produit, une guerre civile. Et dans cette guerre civile, il y a plein de musulmans innocents qui vont être tués. Et c'est des musulmans qui se battent contre d'autres musulmans. Et c'est ça le résultat, malheureusement. Et donc, dans ces guerres civiles-là, les conséquences sont celles qu'on voit actuellement, des civils qui meurent, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des innocents, des non-combattants qui se font tuer. Et leur sang qui coule comme si c'était pas grave, comme si c'était pas, hein, comme si c'était rien. Il y en a qui réalisent pas le mal qu'il y a là-dedans. Et c'est un cercle vicieux parce que ceux qui se sont révoltés contre un dirigeant et qu'ils n'ont pas réussi, par exemple, à prendre le pouvoir tout de suite, le résultat, c'est que par la suite, le dirigeant, lui, en question, il va essayer de tout faire pour écraser ces révoltés et ces rebelles. Et ces rebelles ne peuvent pas abandonner, hein, ou dire, oh, ça y est, on va s'arrêter maintenant. Hein, on va arrêter parce qu'on a fait trop de désordre, on a fait trop couler le sang. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce que s'ils s'arrêtent, ils vont avoir tout perdu. Non seulement ils ont perdu ce qu'ils avaient, mais ils risquent de perdre même le reste par la suite parce que ces dirigeants-là vont les tuer, vont les punir d'avoir fait une révolte. Donc ils sont comme s'ils sont par la suite forcés à continuer dans leur rébellion qui est vouée à l'échec. Hein? Allah al-Musta'an. Et même s'ils réussissent, en général, c'est par la suite pour créer plus de désordre. Comme c'est ce qui s'est passé dans plein d'autres pays par la suite. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est l'explication ici qui a été donnée par Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz à ce sujet-là. Et ça, donc, c'est très, très important. Na'am. Ensuite, donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Hein? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis la suite de ça, la suite de la parole de l'imam Abu Hanifa, on l'expliquera au prochain cours, Inch'Allah. Tayyib. Ok, donc on va s'arrêter ici pour ce qui en est de cette parole. Puis on reviendra à la suite la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.